Et je n'aime plus que tu fatigues mon moral. Tu n'es pas le compagnie généreuse. Et tu as trop souvent la cuite laborieuse. Tu as le don de raconter des bêtises auxquelles tu crois avec une belle gourmandise. Mais n'oublie pas que personne n'est indispensable, surtout pas ceux qui raisonnent. Diable avec tes idées funestes. Je n'ai plus le temps de préserver nos arrières. Tu serais bien le seul du reste à nous retenir si tous les feux étaient verts. Tu te délectes des scènes de querelles qui font de toi un martyr ou un saint. Pourtant l'ami, je t'aimais bien quand tu portais des espérances nouvelles. Mais n'oublie pas que personne n'est indispensable, surtout pas ceux qui raisonnent pour abattre l'impensable. Il te poussera sans pitié vers la sortie. Tu comprendras alors que le nombril du monde ne se situe jamais où les égaux abondent. Je sais bien, ça n'est pas très gentil d'être tout à la fois le juge et la partie. Mais désormais, je préfère m'apesantir sur ce que moi je pourrais ressentir. Mais n'oublie pas que personne n'est indispensable, surtout